suis paré dans les starting blocks. Un gros motherfuck sur la ligne, je suis le premier à froisser la porte. Multi flow, j'arrive, sous bipine, je dérive. Pas de coke, mais un max de son dans mes narines. J'ai le stylo qui te blesse, la rime cool anti-stress. Ça c'est du I2-16D, desserre les fesses. Le bitume, je connais, ma plume, tu reconnais. Je suis cru dans mes textes parce que je suis trop honnête. Je fais bouger des têtes, laisse des traces sur le bitume. En soirée, c'est foiré, si je vois pas que tu gesticules. Sors ton shit, il paraît, ça décoince, ça m'éhaille. Fais tourner au public, surtout si t'as de la taille. Au fait, je suis venu armé. Des tonnes de lyrics dans la tête, ça t'effraie. Au fait, je suis venu armé. Jamais d'armes à feu, d'armes blanches dans mon casier. Everybody. On a enfilé les gants pour être premier sur les ondes. Devine qui c'est qui débarque, qui besoin de citer de nous. On a enfilé les gants pour être premier sur les ondes. Devine qui c'est qui débarque, plus besoin de citer de nous. J'ai pris la drogue pour faire les thunes, le micro pour faire les tubes. On faut prendre de l'altitude, tu sais bien que j'ai l'habitude. Tu charges, me sens pas, tu rappes, je m'emballe. Tu veux test, mon rap en gilet pare-balles. Trop la cote avec le son, comme les putes avec Ibis. Je veux une vie faite sur mesure de la classe et puis du vice. Caresse ma bite, mais pas ma vie, je veux pas ta pitié. T'as les critères d'une meuf bien, mais tu t'es trop fait niquer. Ah, t'inquiète pas, c'est moi qui gère. Ma rime pète la tête et les MCP gèrent. J'aime pas ton style de merde, la variété. Je l'emmerde, peu d'af comme un gros salaud. Et puis je pique de la merde. I2Z, ça fait mal comme Clara Morgan à poil. Un gros doigt pour les keufs et leur contrôle à deux balles. Pédale, jatte pendant qu'il est encore temps. Si t'as vité une société, je déposerai le bilan. Everybody. On a enfilé les gants pour être premier sur les ondes. Everybody. Devine qui c'est qui débarque, plus besoin de citer de nous. On a enfilé les gants pour être premier sur les ondes. Devine qui c'est qui débarque, plus besoin de citer de nous. Ok, j'vois que ça dérive, rap est de côté, la tectonique arrive au top. Mais fasse une balle dans les rotules, à tous ces flics, trop misanthropes. Ma vie en strophe, mes vieux démons font surface. 23 balais face au vice, à prendre des crochets dans la surface. J'vois que ça, des mots vulgaires, des bagnoles qui crament. Dis-toi, quand on commence par une archi, on finit dans le milieu du crime. Crie pas au poulet, que ça traîne et qu'on déconne. On est ce qu'on est, loin d'être frustré. Ouais, juste peut-être d'avoir zappé l'école. Transféré chez I2S pour jouer le titre, aller au tableau. Quand la vie te met des layettes, c'est pas facile de rester tout doux. Handtech 2008, c'est pour nous. Je vais choquer comme si une bombe pétait à lourd. Loin d'être parfait, mais les proches derrière, si sa mère, RIMO. Je reste moi-même, si je sais que c'est loin d'être la mode. Everybody. On a enfilé les gants pour être premier sur les ondes. Everybody. Devine qui c'est qui débarque, plus besoin de citer de nous. On a enfilé les gants pour être premier sur les ondes. Devine qui c'est qui débarque, plus besoin de citer de nous. 2008, nouveau départ, tu le sens dans tes tympans. C'est le début d'une nouvelle ère avec de l'air pour excitant. Une production vivipare, c'est juste un piano tonifiant. J'ai annoncé le départ, attachez-vous les enfants. C'est pour ça que je donne, pour ça que je vis. Pour du flow en tonnes, des tonnes de rimes. Devine qui débarque et tu multiplies par deux. C'est 4, j'ai dit 4, I2S fait des envieux. Eh mon vieux, je te réveille, ben j'avoue ça doit faire mal. C'est une dalle de décibels qui t'opère et qui t'empale. Devine qui débarque et tu multiplie par deux, c'est 4, j'ai dit 4, lève ton doigt et fais un feu. Devine qui débarque, 4, j'ai dit 4, I2S fait des envieux. Everybody. On a enfilé les gants pour être premier sur les ondes. Everybody. Devine qui c'est qui débarque, plus besoin de citer de nous. Everybody. On a enfilé les gants pour être premier sur les ondes. Everybody. Devine qui c'est qui débarque, plus besoin de citer de nous.